Alors, je vous demande toute votre attention et votre concentration également, parce que je n'ai que quelques minutes et j'ai une histoire très complexe à vous raconter. Je ne sais pas si vous aimez les contes de fées. Aimez-vous les contes de fées? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent les contes de taxes? Préférez-vous les histoires véridiques, réelles? Moi, j'en ai une, là, authentique. Mais elle est compliquée, c'est un peu à la manière d'un casse-tête. Alors, je vais vous donner des éléments et c'est à vous d'essayer de les rassembler. J'ai pas eu le temps de le faire, là, mais ce sont des choses que j'ai vécues dernièrement, ces dernières 24 heures, à travers une thérapie, un rebirth. Et tout cela parce que des événements ont surgi de ma vie, de mon enfance, et qui m'ont retourné. Et par le fait même, toutes sortes de souvenirs ont remonté à la surface. Alors, la première prise de conscience que j'ai faite, ça a été concernant mes premières amours. Il n'y a pas personne qui a oublié ça, sa première blonde, son premier chum dans sa vie, c'est un moment extraordinaire, en général. Pour moi, ça a été plutôt une espèce d'échec, de désastre, et je vais vous conter ceci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis en thérapie en ce moment, depuis 23 ans, mais... On approfondit et puis le psychanalyste est bien content des progrès qu'on fait ensemble. Alors, pour ce qui est de mon aventure avec ma première blonde, eh bien écoutez, c'est très simple, elle était belle et bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais sacrement qu'elle était con, le veuille ou non, timide. Timide à un point tel que notre relation, l'amour pour lequel je me consumais, n'a jamais pu être consommé. Ça a été le gros problème. On en est toujours resté au stade, à la phase platonique. Et vous savez, platonique, c'est platolite aussi. Fait que, à 16 ans, ça vous chatouille, ça vous démange. Et puis, lorsque vous êtes en présence d'une fille comme ça, très cute, mais qui veut rien savoir, fait que vous usez de tous les stratagèmes que vous pouvez avoir dans votre esprit. Fait que je l'ai initié tranquillement à travers des jeux tels que Coquin Maillard. Je lui ai appris à jouer à Blanche-Neige et les Sept Mains, par exemple, pour la faire. Et finalement, j'ai réussi à l'attirer dans mon lit. Alors évidemment, là, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Montréal, en ce temps-là, n'étalait pas son sida jusque sous nos fenêtres, évidemment. Elle était chaste et pure. Mais finalement, j'ai réussi à l'attirer dans le lit. Et au beau milieu de l'action, elle s'est retirée. Elle m'a trouvé bestial, animal, et elle est sortie en claquant la porte. Ça a été le drame de ma vie, le premier drame. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais plus de goût à la vie, en fait. J'ai voulu me suicider immédiatement. Je suis retourné dans mon lit, j'ai allumé deux cierges, j'ai mis l'Adagio d'Albinoli, et j'ai pris deux tubes de laxatif. À 16 ans, vous savez. Mais j'ai pas perdu la vie, par exemple, j'ai perdu 15 kilos dans la fin de semaine. Toujours ça. Ça, tout ça pour m'amener à vous dire que c'est la raison pour laquelle je suis en thérapie, en rebirth. Alors, je vis des angoisses, effectivement, suite à cet échec, puis qui s'est répété plusieurs fois dans ma vie par la suite. Et j'ai une crainte terrible aujourd'hui, c'est de finir comme mon grand-père. Je vous ai déjà parlé souvent de mon grand-père, mais je vous ai jamais... avoué qu'en fait il était lycanthrope, il était atteint de lycanthropie. Et moi je tiens pas à finir mes jours comme lui. Ça fait que là je vais vous expliquer, là, ça c'est une pièce du puzzle là. Maintenant je vous en donner une autre à propos de la lycanthropie. Vous avez vu ce soir c'est la pleine lune. Alors vous savez que la pleine lune a une influence certaine. Vous connaissez le phénomène cyclique lunaire, l'influence de la pleine lune sur les marées montantes et descendantes. C'est toujours une affaire d'eau, de flux et de reflux. Il y a également l'influence de la lune sur les têtes, pleine d'eau aussi, le psychisme, vous savez, les jours de pleine lune. Et puis sur le cycle menstruel de la femme, encore c'est toute une affaire de liquide, ça. Fait que, ça c'est une autre affaire. Si vous retenez la lune là-dedans. Il faut pas que je me perde là-dedans dans une affaire, ok? Ok. Fait que mon grand-père, qui était lycanthrope, c'était un secret qui devait être tu dans la famille, parce que on ne se vante pas dans un village avoir un grand-père lycanthrope, et effectivement il n'y en a que très peu dans, dans une décennie ou dans un siècle. C'est un phénomène rarissime. Et ça se manifeste comment? Comment est-ce qu'il en est arrivé à être lycanthrope, finalement? Eh bien, il vivait avec ma grand-mère un phénomène de synchronicité lunaire, c'est-à-dire qu'il vivait le même cycle. C'est-à-dire que quand mon grand-père avait une pulsion sexuelle, une fois par mois, en ce temps-là, ça tombait pile le même jour où ma grand-mère avait ses trucs. Alors, chaque fois, c'est le cycle lunaire qui les régimentait tous les deux. Ça fait que, comme ma grand-mère était menstruée, lui devenait monstrueux. À force d'accumuler de l'attention, il a fini par devenir lycanthrope. Alors, le lycanthrope, c'est celui qui, les nuits de pleine lune, se transforme en loup et se met à hurler à la mort. C'est épouvantable, le museau lui pousse, les canines, il bave, la langue pend, les oreilles en arrière, il hurle à la mort. Alors, c'est très rare comme phénomène, mais ça existe. S'il y a des docteurs dans la salle, vous connaissez ça. C'est que j'en suis là. Oui, bon, effectivement, vous n'avez pas l'air de me croire. Encore une fois, vous allez dire, François, il affabule comme d'habitude, ou il a le sens de l'exagération extrêmement développée, etc. Mais c'est bien réel. Mais j'avais déjà ce problème-là. Quand j'avais 8 ans, j'ai voulu convaincre ma petite amie, qui avait le même âge, que mon grand-père se transformait en loup les nuits de pleine lune, sur le coup de minuit. Elle n'a pas voulu me croire, ça fait qu'elle m'a mis au défi de lui prouver. Fait que je l'ai amené chez mon grand-père à minuit moins une. Je lui ai dit, tu restes dans le salon, près de la porte, prêt à t'enfuir, parce que ça va être épouvantable quand il va hurler. Fait que à minuit moins 15 secondes, je me suis approché de mon grand-père. J'ai tiré par la manche, il s'est penché, et dans l'oreille, je lui ai dit, « Grand-père, depuis combien de temps t'as pu faire l'amour ?»« Ouh !» Vous voyez que c'est très réel. Alors, là, effectivement, là, j'aurais aimé ça vous amener la preuve de la lycanthropie de mon grand-père, mais il est mort, les deux pattes et la queue broyées dans un piège à loup. Alors, j'ai pas de lycanthrope sous la main, mais ce soir, j'ai un nyctalope. Un nyctalope, c'est quelqu'un qui voit dans la nuit. Alors je vous amène ici les lumières de Monsieur Bernard de Montréal. Qui me concerne, vous n'avez rien manqué. Attendez. J'ai juste parlé de Pépé le loup, mon grand-père, phénomène de lycanthropie, lorsqu'on est privé trop longtemps de relations sexuelles. Okay. Ce soir, je vais être direct, hein. On ne va pas aborder le sujet de façon philosophique. De toute façon, je n'ai pas l'intention de servir de punching ball trop ce soir. Ça fait que la première question que je vous poserai, elle sera très simple et très claire. À quoi sert la sexualité? À vivre comme ça en descendant de l'auto. Bon, d'abord, si vous ne savez pas, vous êtes dans des mauvais draps. Naturellement, sur le plan général, sur le plan humain, la sexualité sert à la procréation, ça tout le monde le sait. En dehors de ça. Mais elle sert beaucoup plus que ça. La sexualité, c'est une énergie très puissante. C'est une énergie qui fait partie de l'esprit. Et c'est une énergie qui sert à nettoyer toute la colonne d'énergie de l'homme. Mais malheureusement, cette énergie-là n'est pas utilisée chez l'être humain, surtout chez l'être humain civilisé, comme elle le devrait, parce que l'homme, depuis des millénaires, a développé une conscience morale qui fut nécessaire pour la protection de sa société, pardon, et aussi pour l'enlignement de ses mœurs, afin de ne pas se dégrader à une échelle animale. Mais l'involution, les systèmes de philosophie, les systèmes de pensée, et surtout les religions, tout ce qui traite de spiritualité, ces systèmes ont beaucoup influencé la